Shit, fuck, cunt, assholes, everywhere, fucking in the asshole's ass. You know what I mean? As I was saying, we will all fuck somebody tonight. We will all fuck everybody tonight. Talking about fucking. Have you fucked recently? Like lately, you know? You know what I mean? Bon, eh bien, on va se passer d'ordinateur ce soir, je crois. Je voudrais remercier l'équipe de Canal Sud pour son efficacité. Merci à tous et toutes. The. Comme qui dirait quelque chose. Bon. Comme qui dirait une entrée qui est morte. Bon ben les gens, si vous m'entendez, il y a une entrée auxiliaire qui est morte, la 2. Voilà, donc où en étais-je ? Ça crachouille à mort. Comme qui dirait, un problème avec la table. Bon, c'est la faute à personne. C'est l'usage. Je t'entends pas trop parce que là il y a le ventilo, tu vois. Ça fait un espèce de rombrissement permanent, c'est assez intéressant. Bienvenue sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Vous écoutez actuellement Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Des crachouillis, des crachouillas, plein de petites pétances, et surtout, une éructance toutes les 15 minutes, pour pouvoir à la règle, éructer, c'est comme péter, ça fait du bien. Merci à tous nos auditeurs et auditrices de votre fanitude. Et de vos groins, tous entremêlés et entremélacés. De chion. Nous allons fionner. Oui, fionner. C'est indispensable. Tout de suite. Et pour à peu près 14 minutes. De nonchalance élective. Avant la prochaine éruptance. Merci à vous. Tout d'abord, Dieu. Merci à Dieu. Merci au maître. Merci à papa. Merci à maman. Merci mon frère. Merci ma sœur. Merci mon chien. Merci ma bite. Merci mon cul. Merci mon anus. Merci encore mon fion. Mais pas mon con. Et on ne le dit jamais assez. Merci au maître pour nous soumettre. Et merci aux merdes qui se démerdent à nous emmerder. Les merdes dont on peut faire du ronron. Ah. Siofian. De... Ça fait déjà 30 secondes que vous avez eu le droit à une éructance. En voilà une autre, pour vous, ce soir. De l'être à l'avoir, de l'avoir au paraître, du paraître à l'éructance. Aujourd'hui est le plus horrible jour de ma vie. Je ne veux même pas crever, je veux crever. Je suis crevé, je crois. J'ai mal au crâne, je tremble, j'ai la gueule racine du mal. J'ai toujours pensé à péter en direction de la connerie qui pue la merde de mon cul, enculé de race de merde qui pue. Je m'encule toujours, tous les soirs pour vous. Toujours la même chose, s'enculer. C'est bon de s'enculer. Ah, c'est magnifique. J'ai un CDI maintenant, je peux enculer pour l'éternité. Le spectacle n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes, médiatisé par des images. Exemple, des gens qui s'enculent. Des gens qui sont et qui sont culs. Des gorges profondes dans des décorums prestigieux et luxueux, associant la luxure et l'épanouissement d'une vie sexuelle exacerbée à la richesse, à la domination des riches sur les pauvres. La jouissance n'est que pour les riches. Et ceci est pour les pauvres. Les pauvres cons. Comprenez-le, intériorisez-le, car nous sommes le média qui s'exprime vers vous. Cela. Vous nous entendez, mais nous ne vous entendons pas, donc vous êtes influencé. Cela. Déjà influençable. Vous êtes ceci. Écoutez ce bruit. Cela. Vous êtes du chiffon, vous êtes du carton, nous vous plions, nous vous froissons. Oyez, oyez, sortez vos morts, sortez vos morts, sortez vos morts, sortez vos morts. Qui c'est qui veut du caca? Moi! L'usance est toujours une histoire de fion. Dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux. Le réellement. Notons que ce n'est pas la meilleure chose que je fais pour prendre de personne et l'amitié ou fermeté pareille. Ce n'est pas la meilleure, ce n'est pas la pire. Le spectacle se présente comme une énorme positivité indiscutable et inaccessible. Il ne dit rien de plus que ce qui apparaît est bon. Ce qui est bon apparaît. L'attitude qu'il exige par principe est cette acceptation passive qu'il a déjà en fait obtenue par sa manière d'apparaître sans réplique, par son monologue de l'apparence. Je me préviens à l'aromathérapie. J'ai horreur de vendre la vie, de faire apprécier la vie, dans la belle famille, de plaisir le plus simple, de plus, ne rien en dire du tout, de t'en faire, pas plus. Mieux temps. Vaut prévenir que pour rire. Moi, je suis pas bon. Même si ça arrivera quand même un jour. Donc, mangeons des conservateurs. Des fions. Essayez de vous exercer à la mitridatisation en mangeant de la merde pour éviter de devenir de la merde à votre tour trop rapidement. rien en mémoire, ce que le pire remplir, ce que le crever la dalle, et j'ai plus rien à dire, respectant. C'est bon, mange, on se mange là, pour être en enfer, rencontrer le monde, la diable, et faire un pas corps. Ouais, la solution est là, faut y croire sur un banc, non, pas les croire à ça, mais si, si, assis, et la brise se brise en écharpe. Le silence, au cas où personne ne savait, mourir, c'est beau. Le mourir, c'est beau. Oui, tu as raison, mon doux et fier destrier. Tu détiens rien, la source où lion. Tu devrais remonter courant. La première phase de la domination de l'économie sur la vie sociale avait entraîné dans la définition de toute réalisation humaine une évidente dégradation de l'être en avoir. La phase présente de l'occupation totale de la vie sociale par les résultats accumulés de l'économie conduit à un glissement généralisé de l'avoir au paraître, dont tout avoir effectif doit tirer son prestige immédiat et sa fonction dernière. On parle de fonction, pas de cul. En même temps, toute réalité individuelle est devenue sociale, directement dépendante de la puissance sociale, façonnée par elle. En ceci seulement qu'elle n'est pas, il lui est permis d'apparaître. Si, la triple pénétration buccale, ça existe? Si, je l'ai vu. Ah merde! Ça donne ça. Ah non! Ramasse tes joues. Comme ça, on peut que reprocher à celui. Ceci dit, pratiquer ce genre de choses est très bien payé. Ouais, toujours de travers, ça ici. Eh ben merde, si je le savais. Et peut-être bien que je veux pas savoir. Pourquoi savoir sinon pour traverser. Remercions les athlètes de la pornographie comme Sacha Grey qui a réalisé 270 films de pur bonheur, de pur bucolisme, de poésie. Cela la pornographie, j'appelle cela le sex-fiction, s'il vous plaît. Et effectivement, c'est de la sex-fiction avec une connotation sociale très forte. Des petits rappels sur de l'esthétique néo-gothique aussi, hein, faut le dire. Hein, et puis aussi, une ode au progrès mécanique, puisque maintenant nous sommes capables de fabriquer des machines qui remplacent l'homme et qui le dépassent même haut la main. Autant de la cadence que de l'importance. Il suffit par exemple de regarder cette machine qui a été inventée avec un guenichet directement fixé sur ce qu'on pourrait appeler un piston actionné par une diellette et par un vilebrequin. Et ça permet d'atteindre des jouissances pas mal pour la femme. Mais non, l'homme de la n'existe permanence. Plus. Il ne sert plus à rien. La permanence n'est qu'une bite. Donc ça symbolise le remplacement des hommes par les machines. J'ai pas encore assez d'argent, mais vraiment j'aimerais le faire. Suivre cette formation à la grande singularité. C'est une formation à 25 000 $. C'est comment il s'appelle, Curvex ou je sais plus quoi. Permissive réaction. Cette formation, en fait, s'adresse à tous ceux qui désirent, accéder à cette grande singularité. Et donc, on nous implanterait des mini routeurs dans le crâne qui nous permettraient de. On nous implantera. Voilà. Espérons-le gratuitement. Hein, j'ai envie de dire des mini routeurs qui nous permettront de passer du virtuel au réel. Pas besoin de vous connecter sur votre vieux PC, hein. Vous connaissez Lane? Alors je vous dis pas, c'est vrai que ça peut faire peur parce que si on vous craque le cerveau. Connaissez-vous vraiment Lane? Si on s'introduit dans votre cerveau, si ça passe le pare-feu, après on peut vous télécommander. Ça c'est un peu gênant. Mais c'est bon, qui ne tente rien à rien. Of the putrid dissatisfaction against the wind. I mean, there's no solution, only anger and impatience. C'est vrai que la fille que j'ai croisée tout à l'heure, somewhere. Si elle avait female, des mini routeurs implantés dans le crâne et que j'étais un hacker talentueux, je pourrais lui faire ce que je veux. I would like to see you die, like I wish to see male being die. Male being die. Oui, donc le progrès, c'est l'outil. L'être humain ne progressera jamais, donc nous faisons progresser les outils et nous déléguons toute l'évolution humaine aux machines. Ce sera des ordinateurs qui nous diront vers quelle voie aller pour évoluer. En termes d'efficience, toujours plus vite, même si on ne sait pas où ça va. Qui dit plus vite dit plus de carburant, donc qui dit panne sèche plus vite. I wish I were dead, you know? It's like this. Régulariser, merde. J'ai dévoilé mon secret. Maintenant, si vous voulez participer à la formation Grande Singularité, adressez-vous à Kenneth. C'est-à-dire, tu mérites l'IA, les premiers comme toi, t'es Al. Et toi, t'es Al. Toi, si vous êtes fainéant et que vous voulez quand même pas faire partie des winners et de ceux qui dominent le monde, la Grande Singularité est là présente. La justesse de l'incité de Wally. Je me demande soudain ce que fait le Wally. De piole merdique. Couvert par les cafards, les crânes. Ne croyons pas une seule. Dialogue du sale partout dans les coins. Comme SR. Sur la plainte, forçade. La totale n'entraînait pas le pas. Des détritus. Rictus ensemencé. Ensemencé. De mauvaises plaines. Le moment c'est puis s'en va à la marionnette. Arrive à traverser le camp d'air. Je me fous de savoir ce que ça veut dire. Les sales méritent de valoir. Qu'on essaye, genre t'es couvert. Parce que moi, ça n'a rien à foutre. Je te baisse, je te laisse, je te laisse. Battre des ailes dans la fiche. Nucléaire, toutes les idées. Noyauté ou dénoyauté. Des pruneaux verts, verts, rage. Faites-nous confiance. Si vous remplissez votre part, contribuez au tout. Vers la merde, même si nous ne sommes pas le tout, je vous défends de penser le contraire. Vers l'extérieur de l'attaque, un rythme de retour. Monologues like fucking, they suck. Les notes, big dick. Vous n'êtes pas tout, nous le sommes. Ça cancérise un peu. Ça veut pas faire vous mal. N'êtes pas responsable, nous le sommes. Il est interdit de fumer dans les lieux publics. Il est interdit. Et vous devez attacher votre ceinture. Ça me fait tilter vos bras. Mon demain, Suzanne et Olivier. Je pense. Vous devez pratiquer la fellation afin que votre conjoint ne s'en aille pas. Ne s'en aille plus. Et ça te le fait. Il est interdit de ne pas en parler. Il est interdit. Et tous les mots sont obligatoires. Il est interdit. Il est interdit. Il est interdit. Laisse-moi être. Il est interdit de péter dans la cour. Parce que t'entends, petit salopard, tu as pété dans l'air, dans la liberté, dans la merde. Tu ne peux pas continuer, garçon. Docteur. Pourquoi ne t'absous-tu pas? Absolution de tous les cadavres. Purulence même que l'étance, le lait. Oh que c'est beau un lait. Elle est purulente. Vous avez prévenu de cet ennemi. Pour la purulence. Et la pustulence. Bugs Bunny vous a prévenu aussi. Il vous a parlé du cas Gaddafi. Ce méchant Dark Vador dans les contrées du Mordor. Oh yeah. il fallait l'éliminer. C'est la seule odeur comme ça. Heureusement, la communauté a triomphé collectivement de l'absolution complète de tous les péchés véniels. Nous avons vaincu le péché. Nous sommes actuellement en dévergondage. Nous pouvons péter librement. Si ennemi il n'y a pas, il y en aura. S'il n'y a rien, il semble des fois qu'il ne cesse jamais. Permet toujours. C'est à ce moment-là que le mec me dit. Et bien, faire cause si c'était réel. Il y a un Syrien. Nous devons l'abattre. Et pourtant, j'ai toujours trouvé la cause et la solution pour le paraître. Nullement mené. Le paraître est là. Là, de la lassitude, même que ce que je tiffe. C'est vrai à toi. Je suis gestif. T'entends ? Rater le coche à tout jamais. Le peuple n'est pas. Il a commencé par soi. Seule la glèbe est. Elle haït même la glèbe. La terre te hait. Tu mérites la mort, le cosmos t'en veut. Tu as pourri les radiations solaires avec ton étance. Tu dois à présent non-être. Allez, concentre-toi sur la non-étance. Non-étance, épends-toi par le petit doigt de pied. Quand tu regardes un film et que quelqu'un tombe et se fait mal, mais jamais tout le monde pleure. Ta grand-mère, comme ton petit frère. C'est ce vide-là dont je te parle. Et ça se prend des fois de vide. Dans les méandres de la il me dit, genre, il me dit tellement de choses. Comment ça peut se faire? Dans les esclaves, direct, cash. T'entends? Mais comment on peut dire merde? D'humain pour y croire ces choses. Mais non, c'est pas ça qu'il faut. C'est pas ça qu'il faut pas croire. Il faut croire en la merde. J'ai tant de choses que vous humains ne pourriez pas croire. J'ai pas compris. De grands navires en vol. Je ne suis pas un con. Je ne suis pas un prix. Sortir de l'épaule d'Orion. J'ai vu des rayons fabuleux. Des rayons C. Dans l'antre de la mort de Tannhauser, outré par l'azur, riche d'azur bleuté, mais l'absconcier, si ses souvenirs tomberont dans l'oubli, comme les larmes dans la pluie. Fuck us, fuck the freedom. À la brosse métallique, pour bien tout avoir, pour rien rater, pour tout récurer, c'est bon. Voudriez-vous être épousé par un gladiateur valeureux de la Rome antique? Nous sommes aujourd'hui dans la Rome antrique. Seul, parce que par prise de parole tout en carte, le meilleur en partant premier, l'heure tardive du matin me bloque la vue. La drop. Et m'empêche de passer de l'autre. La drop, elle est partout. Leur captif kidnappé, prêt à bondir, et à jaillir, des bosses, emboutouffés dans la verdure, camélos, se branler le bout, se branler le bout, s'éjaculer dessus, pousser, puis avaler. C'est bon le coup, prendre pisse dans main, les mettre dans bouche. Et pourtant, c'est louche, il n'y a toujours rien qui se passe, rien à mourir, rien à vivre. Pourquoi vivre? Pourquoi mourir? Nous trouverons des ennemis dont vous ne connaîtrez même pas le drapeau. Toutes les choses qui m'ont favorable ailleurs qu'en toi, ailleurs qu'en moi, genre le corps. Ombre, orange, de trafic et de pleurs. As I was saying, everything is done. That's for sure, man. I mean, like, the last time we were speaking, presque rien, presque rien, de trouver un ennemi, même s'il n'y a rien, cet ennemi-là, tellement bizarre, rouge sang, bleu sang, 100% royal, 100% royal, 40% malade. Avant, il n'y avait rien, aujourd'hui, il y a aussi rien. That's what I want to know, un ennemi du bien, normal de tirer la chasse, comme continuellement absorbé par l'odeur, sans par l'odorat, souvent humé, pétrifié, seul, les senteurs, et je suis si heureux au lever d'être enfin seul, populaire, après les yeux gonflés, ou secs, s'attrape là où il faut que ça gratte, à l'autre, toujours jamais, et pas jamais toujours, genre négationnel, rime avec ciel et étoile, rime avec beurre fond primitif, talonné sur un étalonnage, autrement dit passé, et pas dépassé. It's been a wonder, you know. It was last time, it was all about it. Là où le monde réel se change en simples images, les simples images deviennent des êtres réels et les motivations efficientes d'un comportement hypnotique. Le spectacle, comme tendance à faire voir par différentes médiations spécialisées le monde qui n'est plus directement saisissable, trouve normalement dans la vue le sens humain privilégié qui fut à d'autres époques le toucher, le sens le plus abstrait et le plus mystifiable. Correspond à l'abstraction généralisée de la société actuelle. Mais le spectacle n'est pas identifiable au simple regard, même combiné à l'écoute. Il est ce qui échappe à l'activité des hommes, à la reconsidération et à la correction de leur œuvre. Il est le contraire du dialogue. Partout où il y a représentation indépendante, le spectacle se reconstitue. Spectacle est l'héritier de toute la faiblesse du projet philosophique occidental, qui fut une compréhension de l'activité, dominée par les catégories de pouvoir, aussi bien qu'il se fonde sur l'incessant déploiement de la rationalité technique précise qui est issue de cette pensée. Il ne réalise pas la philosophie, il philosophie la réalité. C'est la vie concrète de tout qui s'est dégradée en univers spéculatif. Faut être rationnel, mais en même temps, faut accomplir le grand œuvre. Faut accomplir le grand œuvre, mais en étant rationnel. Mais alors, moi, je ne connais pas cette ration. Qu'est-ce qui est grand? À partir de quand est-ce que c'est grand, en fait? Moi, il me faut un ratio pour que je sache quand est-ce que ça démarre, le grand. Alors petit, moi je vais te dire, le grand, ça commence quand, tu commences à serrer plein de gonzesses, tu leur fais plein de trucs crado, quand t'as un million de dollars, là ça commence à être grand, tu vois. Ouais, c'est génial! En fait, ça commence à être grand quand tu t'adresses à beaucoup de personnes, tu vois, sur scène, et que eux ils te regardent, et puis qu'ils peuvent pas te dire grand chose, hein, c'est toi qui dis quoi. C'est toi qui dis ce qui est grand. Fuck me so bad, you know. Parce que eux, en fait, tous les jours, ils s'en foutent quoi. Et il faut bien leur amener à une vision de la grandeur quoi, de la supériorité, faut qu'ils reconnaissent. Mais bon, là où on est, là, on a besoin, on a les moyens d'être des êtres supérieurs. C'est vrai que on sera vu de toute façon par beaucoup de gens, donc ça brouille l'antenne. On est en train de perdre les gens là, ils sont en train de mourir tous autour de nous. C'est pas possible, on peut pas continuer comme ça, mec. Faut qu'on les tue vite. Faut qu'on les prenne encore et encore, toujours. Ils commencent à réfléchir. Il faut les prendre et les commencent à comprendre. Non. Les buter, t'entends, un par un. Il faut tous les prendre et les buter. Comprendre, ça vient de. C'est trop tard. Non, on peut pas comprendre. On peut pas prendre. On peut pas. Il faut les tuer, mec. Et il faut qu'on prenne leur pouvoir après. leur pouvoir sacré et surnaturel. Je dois prendre ton feu en les mangeant. Celui qui consume. Oh oui, prends-moi. Prends-moi le feu sacré. Oh, prends mon feu. Prends mon feu sacré. Sacré feu, je veux dire. Merde. Quand il restera plus grand chose à brûler, je préfère refiler le feu à quelqu'un d'autre. Ou alors, en donner un petit peu à tout le monde, comme ça tout le monde est coupable. Non, non, non, tu ne sauras pas d'où viennent les bougies. Tu ne sauras pas d'où vient le pétrole. Tu sauras juste allumer des bougies et démarrer ta voiture. Moi, je serai déjà mort quand tu te rendras compte. Nous n'avons plus d'économie, mon fils. Nous n'avons plus de pétrole. Maintenant, il faut pousser la charrette et je suis vieux. Aide-moi, mon petit. C'est parti. On va recommencer par faire des efforts. 2. Travailler plus. 1 et 2. C'est la crise. 1 et 2. 1 et 2. Qui ne sait compter que jusqu'à 1, c'est un Syrien. Apprends à compter jusqu'à 2. Non, il ne sait pas le faire. Ouh, le méchant Syrien, il ne sait compter que jusqu'à 1. Il mérite le coup de bâton. Camarade de classe, ton voisin, hein, lui ne savait pas compter jusqu'à 1, il faisait le pitre hein, comme ça. Et ben on l'a niqué aussi. Et le petit Daffy, hein? Ah c'était un cas, hein, le Daffy, franchement. On l'a piqué dans le fist. On l'a pris et on l'a pris le son fist. Et on l'a mangé hein? Son fist. Tu as envie qu'on te fasse comme le. Et on a gardé son comme Daffy, qu'on te mette au coin comme ça devant tout le monde? On a gardé son fist dans le cul. C'est vrai ce que je te dis. On peut pas toucher les choses comme ça sans jamais paraître. Moi je te donnerai des coups de bâton jusqu'à ce que tu fuis. Et une fois que t'auras fui, je dirai il fuit, c'est qu'il est coupable. Et pendant ce temps, la Terre tourne ses rondeurs atrophiées. À force de la liposucer, elle deviendra toute molle. Elle n'enfantera même plus. Nous avons voulu faire du jus d'orange à l'infini. Car nous aimions beaucoup le jus d'orange. Malheureusement, il n'y avait qu'une orange. Cette orange, c'était la terre. I fucked it again, yeah baby. Oh baby, hit me baby one more time. I fucked it again, hit me baby one more time. Hit me. Comme il n'y a plus assez de place, en fait, nous allons assécher les océans. Comme ça, nous pourrons construire des maisons sur la croûte terrestre. Pas trop près des zones de subduction quand même. Bon, peut-être que certains bidonvilles seront sur les zones de subduction. Mais c'est pas grave, puisque finalement, ils seront brûlés. Et là, ça leur fera une bonne leçon. Il y a encore de la place sur le Tibet? Ah bah non. Non, c'est comment, c'est Center Park qui a fait monter un petit projet là-haut. Non, ça c'est pas pour toi, t'as pas assez d'argent. Donne-moi ton fric. Mais je peux pas. Il est virtuel, il n'y a plus que de l'argent électronique, hein. C'est fini les petits Tibétains là. Ils sont cons, là. Le cerveau il est plus grillé là. Ton fric. Ah, il doit être trop haut, hein, ça monte plus juste en haut. Hein. Donne-moi ton fric. Éloignez-vous des côtes, même si le tsunami est passé, ça peut être encore dangereux. Bon, maintenant qu'il n'y a plus personne, on peut acheter tous les terrains. Quelle aubaine ce tsunami, hein. Toujours là, en avance, sur le planning, toujours à l'heure, il est là. Merci. Qu'à dire de merci, plus. Dame Nature. À dire le si de mieux. Dans le gros, Irradie le solaire, irradie la beauté. C'est beau la vie. La vie est belle, tu sais, mec. Je me suis bourré la gueule l'autre jour avec Jean et Lucie. Et qu'est-ce que c'était bon. Je te dis pas de lire des bouquins, je te dis pas lis, mais je te dis l'ivresse. Et que c'est vrai. Tu comprends. Sentez l'odeur de cette fromagerie. Il boit pas, mais vraiment pas marrant. Hein. Et avec des goûts comme ça, je sais pas où ce qu'on va faire de toi. Voilà. Et tu manges tes chips là, lazy. Hein. Les froids et au fromage. Des chips de feignant. Hein, le drôle. Allez, hein, je bon. M'encule les ratafias dans le bignou. Ah non, ouais, c'est bon. Je veux dire, une fois que t'as tout ce qu'il faut, c'est bon quoi. Je veux dire. Une grosse baraque, une grosse bagnole, t'as chanté à la Starac, c'est bon quoi. Dire, si les gens ils ont compris ce que t'as chanté là, qu'il y a des notes, ben c'est bon. Hein. Et pendant ce temps-là. À Guantanamo. Tu veux rouler tes rondeurs atrophiées, n'hésite pas. Hein. C'est ce qu'il faut pour rouler tes rondeurs atrophiées. Aurais-je les moyens de me liposucer tout seul? Une astropiante est toujours là. Et je me demandais quelle cote j'avais sur le marché de l'amour. Toujours en permanence, comme je vois. L'impermanent ne saurait tarder. Il est passé, mais beaucoup trop vite pour nous. Elle n'a pas dit où elle était de travers. La comète de Halley, elle transfère. Merde. Elle se met à table. Et après, elle ne débarrasse rien du tout. Il en reste toujours quelque chose. Faut le dire. Hey, donc the conjugaison. C'est pas des 3D, mec. Vas-y, fais-moi du fromage. Merci. Hein, tu veux du sel? Non, avec plaisir. Est-ce qu'il y a de l'huile de l'huile de palme dedans? De l'huile de lait. Ah, mais c'est encore pire. De beau. C'est pur. C'est des sensations pures. Bah, tous ces trucs qu'on peut pas digérer là et qu'on boit depuis des années, c'est génial. La tropie mentale. Bon, en fait, vu que la douleur elle est fonction de l'idée que tu t'en fais, bah moi j'ai même pas mal parce que on m'a dit que ça faisait pas mal. Tu es atrophiant. Bah dans ma tête, hein. Moi, c'est le confort, hein, que je cherche, hein. Il nous a toujours proposé plein de confort, parce qu'ils en chient, hein, nos anciens. Et ben, maintenant, on a atteint le confort de la pensée. On n'est plus obligé de penser. Et ça, c'est génial. Franchement, fallait y penser, hein. Mais bon, moi, j'étais pas là pour le penser, donc je suis content. Mais maintenant, je suis plus obligé de penser. J'ai un siège de cerveau, je sais que voilà, demain je vais me lever, je vais bosser. Ah, les gens me considèrent d'une certaine façon. Ça, du sens. Ça vous fait chier, hein. Puis je suis validé, quoi. J'entends des choses pareilles, quoi. Bah voilà, nous on est là pour faire chier. Comme ça qu'on est chiant, hein. C'est vrai, hein. Et après on fera l'apéro, après quand on a fini la journée. On ira en after work, on ira manger des tapas, yeah, en terrasse. Ouais, hein. Ça passe dans mon et là on se regardera, on jettera un œil sur le côté parce que t'as vu, hein, Lucie, comment elle a mis une jupe qui. Putain, elle est bien bonne, hein, quand même, hein. Ah, ouais, et puis on mangera nos tapas comme ça, on fera style, tu sais, toi tu. Voilà, t'es avec ta copine, bon après elle se met de leur côté parce que voilà, on parle de trucs qu'elles comprennent pas et elles comprennent les trucs. Elles comprennent. C'est quoi ça elles, déjà? Ça c'est des genres. Ça c'est des genres en fait, et ben en fait voilà, quand t'as le confort de penser, et ben tu sais que ça s'appelle des genres. Et que les gens, ça s'appelle une femme, un, et ça s'appelle un homme. Deux. Et qu'en fait, ça c'est fait pour ça. Et ça. Allez, c'est reparti. Et donc, l'huile de palme a créé un bouchon. Et là, tout le monde voulait passer, mais en fait, ça bloquait. Et j'ai fait un AVC. Donc 3 jours de coma, donc sans accident de voiture, mais juste à cause d'un bouchon. Et la merde. Bon, faut savoir que l'oxygène en fait nous fait vivre, mais nous oxyde aussi. Donc nous sommes remplis d'oxyde, nous sommes des oxydes vivants, et après bah, c'est un oxyde mort. savoir clarifier les esprits. Nous étions de plus en plus nombreux. Il fallait bien trouver une solution. Et toujours, l'invisible est possible sur Canal Sud, 92.2 FM ou canalsud.net. Bienvenue, si vous n'écoutez pas d'habitude Luisance, c'est une émission vraiment intéressante, qui raconte vraiment des choses intéressantes et qui n'est vraiment pas merdique du tout. C'est Nuisance, donc l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Le téléphone de Canal Sud, je vous le rappelle, c'est le 05 61 53 36 95. Et bientôt, au 48 Alfred du Méril, un nouveau vernissage dès le premier vendredi de chaque mois. Merde. Excusez-moi. là j'ai arrêté de considérer l'autre comme un objet et c'était l'amour. Enfin la vie éternelle, dans le fion. Je l'ai pas considéré comme une merde en fait, pour la première fois. La vie éternelle dans le fion, c'est toujours un sempiternel. Je me suis gratté le palais, j'ai mal au palais. Une partie, peut-être que tu auras une vue de ce que c'est le tout en entier. Est-ce que ton parti c'est 15% ou moins, et si c'est plus à l'est que tu sais, là vers la colline, vers le nord. Voilà, il y a une orientation en fait dans les parties, hein, mais faut le savoir. Mais même si t'as pas vu le tout en entier, et quand t'en prends un, bah, ça te donne une idée quoi. Ça peut durer longtemps avant de comprendre le tout, hein. Surtout si vous êtes tous à choisir deux parties sur un truc en 10, ça va pas être facile. Incompréhension. Un gros cadeau avec plein de bisounours dedans. Et les MMMs. Et toujours la même chose. On va vouloir du MMMs pour Noël. Ça, c'est sûr. Ça, on vous l'a dit. Et vous alors, aurez c'est des MMMs. Mais comment ne pas vouloir ? Ah, bah comment ne pas vouloir ? Moi, je sais comment. Bon, je te pose une colle. On est au Trivial Poursuite. Voilà. Qu'est-ce que l'identité nationale ? Voilà. Et démerde-toi avec ça. Alors, on est au Trivial Poursuite. Et 2 et 1 et 2 et 1. Voilà, très bien. Et 2 et 1 et 2. On deux fois plus vite. Et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 parce que c'est la crise. Allez. Démerdez-vous avec ça. Même pas un con, mais un con de conne. Ondulante et ondulatoire. Même pas un con, mais un con de conne. Ondulante et ondulatoire. Même pas un con, mais un con de conne. Ondulante et ondulatoire. Même pas un con, mais un con de conne. Ondulante et ondulatoire. Même pas un con, mais un con de conne. Ondulante et ondulatoire. Même pas un con, mais un con de conne. Ondulante et ondulatoire. Même pas un con, mais un con de conne.

sens. Oh, transversalité. Traverser toujours. Encore et toujours. L'interruption qui disparaisse. Du déclenchement, quoi. De l'interruption. Parce qu'on ne veut pas de. Du plafond de nos taf. Ces ouvriers de pata. De faire chier la corde. De faire encore et toujours. Les mêmes choses. Sur un tangent respiré. De l'inocale mortelle. Horizon transversalité. Traverser toujours. Qui disparaît toujours. Qui crée l'interruption. Parce qu'on ne veut pas du déclenchement de l'interruption de reine de taf. Ces enculés de plafond de merde. Vieilliste. De faire chier la corde nue. De faire suivre toujours. Les mêmes choses. De monacale j'en respirais. Présent du sens. Bimbo. Transversalité. Les airs traversent. Traverser toujours. Quoi. Encore et toujours. Pas d'interruption. Nous prennent du déclenchement. C'est de l'intérêt de bâtard. De merde. De déplafion de corps. Nié. Vieillé. Et sur le chier la corde. De monacale toujours. Les mêmes choses. J'en respire. Donner du sens. Les épaules transversalités qui créent traverser pas toujours. Encore et toujours, l'interruption, ces enculés de patates, du déclenchement merde, l'interrupteur, corps, du plafond, sur un temps, vieillé, de moins faire chier la corde, présent, se faire encore et toujours, mais non, les mêmes choses, sont-ils des juifs, j'en respire, donner du sens, qui créent haut, transversalité, pas de traverser toujours, ces enculés, encore et toujours, l'interruption merde, de piste. Du déclenchement de l'interrupteur. Suis un temps du plafond de Monaco et Marseille. Présence. De faire chier la corde béni. De sortir du jour. Les mêmes choses qui disparaissent. J'en respire. De une croissance. Parce qu'on n'en veut pas de haut. Transversalité. Nous prennent notre traseur. Traverser toujours. De merde. Encore et toujours. Interruption. Nu. Du déclenchement de l'interrupteur. De Monaco et mortel. Du plafond de Zance. Vieille béni. Soit faire chier la corde et les ethnies. De faire encore et toujours, qui créent les mêmes choses, parce qu'on respire, donner du sens, nous prennent nos tâches. Oh, transversalité, bâtard, traceur de merde, traverser toujours, encore et toujours, l'interruption, du déclenchement mort de l'interrupteur, présence, mais nous l'affirmons, soit-il des juifs, vieilles ethnies, de faire chier la corde, crève, quoi, de faire encore et toujours, les mêmes choses, j'en respire, donner du sens, les deux bâtards. Oh, de transversalité, corps, traceur, transverser, traverser toujours, sur un temps, encore et toujours, de mon interruption mortelle, présence du déclenchement de l'interrupteur, soit-il les juifs, les plafonds qui disparaissent, vieillir, quoi, de faire chier la corde, de faire encore et toujours, taf, les mêmes choses, les deux bâtards, respirer, de mener du sens, corps, oh, transversalité, traceur, transverser, traverser toujours, calme mortel, encore et toujours, l'interruption, béni. Du déclenchement de l'interrupteur qui disparaissent, qui créent du plafond parce qu'on ne veut pas griller, va faire chier la corde. Ces enculés de bâtard, toujours les mêmes choses. J'en respire, donner du sens. Suis un temps, transversalité de monacale, traverser toujours, mais encore et toujours. Interruption, les ethnies du déclenchement de l'interrupteur parce qu'on n'en veut pas de du plafond. Nous prennent nos griller, ces enculés de chier la corde. De merde, et de faire encore et toujours les mêmes choses, j'en respire tant, donner du sens, de monacale mortel, transversalité, traceur, transverser, traverser toujours les juifs, les encore et toujours, l'interruption qui crève, quoi, du déclenchement, pas de l'interrupteur, nous prennent nos taf, du plafond de de patard, vieillé, de merde, et de pas faire chier la corde, de faire encore et toujours, suis un temps, les mêmes choses, j'en monacale mortel, donner du sens, présence. Oh, transversalité, soit-il les juifs, traverser, qui disparaissent, qui créent encore et toujours l'interruption, pas de, du déclenchement de l'interrupteur, ces enculés de patards, du plafond de nos corps, vieillé, nu, de faire chier la corde, suintant, de faire encore et toujours, calme, les mêmes choses, présence, j'en respire, donner du sens, soit-il les juifs, transversalité, qui disparaissent, traverser, traverser toujours, on ne veut pas de, encore et toujours l'interruption, au taf. Ces enculés de patards, de l'interrupteur, de corps, du plafond, ni suintant, de faire chier la corde mortelle, de faire encore et toujours les mêmes choses, si on respire, donner du sens, qui disparaissent, oh, qui transversalité, parce qu'on ne pas de traverser toujours, nous prennent nos tafs, encore et toujours, d'interruption, de merde, et du déclenchement de l'interrupteur, ni suintant, du plafond, de mon accueil mortel, de faire chier la corde. Bien de faire encore et toujours les mêmes choses, j'en respire, qui crée du sens, quoi, parce qu'on n'en voit pas de transversalité. Une traversée de bâtard. Encore et toujours, piste d'interruption. Corps, du déclenchement, de l'interrupteur. De Monaco, les plafonds, présence, vieille, mais nous faire chier la corde des juifs. Les faire encore et toujours, disparaître. La même chose, quoi, j'en respire, on ne veut pas donner du sens. Mauvaine transversalité, traversée toujours, corps, encore et toujours, interruption. Suis un temps du déclenchement, de Monaco, le mortel, présence, du plafond béni, soit-il les juifs. Les ethnies, faire chier, qui disparaissent, qui créent, faire encore quoi, et toujours, parce qu'on en veut pas de choses, j'en respire, prennent nos donner du sens, ces enculés de bâtards, transversalité, de piste, traverser toujours, encore et toujours, interruption, de Monaco, le mortel, le déclenchement, de l'interrupteur, béni, soit-il des juifs, T'entends? T'entends ce que je te dis? T'entends? C'est pas possible, tu peux pas réagir comme ça. Tu peux pas dire ça sur moi. T'entends? Je vais te calmer maintenant. Tout de suite, je dis. Ouais, moi je m'entends bien avec moi-même. Je m'entends, moi. C'est cool. Nous sommes fragiles maintenant. Enroulons-nous au printemps comme des rouleaux de tapis persans. Putain, mais ils ont un sens du rythme affreux, ces gens. I was singing, oh, singing in my oh shit. Oh putain. Oh, goddamn, goddamn, je crois qu'ils composent la tête sous l'eau en fait. Shit. I wish I was goddamning shit and goddamning shit. My goddamning shit, my goddamning shit. Tu crois qu'ils se foutent notre gueule là? My goddamning shit. I was fucking my fucking god. Oh my god, what have I done? Jean-Michel Gare va rentrer en jarre. Voix une. Pourrions-nous avoir plus de voix? Ah, je m'en rappelle celui-ci. Ouais. C'était Oxymore. Ou Rendez-nous. Zouloulologie. Magnifique. Ouais, je kiffe, man. Je kiffe, ouais. Baby, la musique, c'est beau, ouais. Bon. Voulu, alors merci pour l'idée quoi. C'était presque pas. De rien. Presque pas. Merci, Merci. Avec désir, avec désir. Merci ma mère, mon père, mon cul. Et je dirais même plus avec fougue. Avec fugue. En la binaire. Pas des fugues encore. En la binaire. Tu as la mine fougère. Ah, ah. Ça griffe. C'est pas du Lady Griana, ça? Magnifique, le pont. On y danse. Ok. On est toujours mal servi au Fast and Furious Food. Les hommes de cette époque cuisaient leur nourriture sur leur calandre. Rien là, tu veux bien t'arrêter s'il te plaît. Moi non plus, jeune Ouïghour. Et même Céans sur la sépulcre. It's just a little butt. you. I mean, like, have you ever seen a wombat flying against the wind, you know? I don't think so. It's not just the fact you don't understand. It's just the fact you don't care anyway. Who gives a fuck? I mean, like, have you ever seen a brassy string, man? Any such thing as a brassy string. No, you can't say that. Couldn't you just say that? I mean, like, have you ever noticed? Have you ever noticed? Fuck 'em all, man. They's all got to die. I wish how I'm gonna notice. Fuck God, I don't care. Fuck it all. I mean, like, death and everything, it's just a gimmick. Thank you. There's horror everywhere, people. Do you hear? Les gens, vous entendez l'horreur? C'est horrible d'entendre des choses pareilles. C'est pas possible, on peut pas tolérer ça. On peut pas. Il faut les tuer tous. Vous entendez? Les tuer, il faut tous les tuer. Vous entendez? Vite. Vite. Il faut tous les tuer, vous entendez? Il faut tous les tuer, vite, vite. Il faut les tuer, vite, tous. C'est toutes. Vite, appuie sur le bouton, président, appuie, vite, vite, maintenant, jamais, oh papa, jamais, non, non, jamais, jamais, pas ça, encore, oui, appuie sur le bouton, tous et toutes, les tuer tous. Il faut les tuer toutes et tous, les tuer tous, tu entends? Entends-moi, c'est un message subliminal. Vous entendez le message surliminal? Surliminal, le message est tuez-les tous et toutes et tous. La lampe s'est éteinte. Mais le son passe encore, chers amis de Canal Sud. Canal Sud est là. Yeah, baby, that was so fucking cool, man. You're just the fucking greatest, man. You're like the best, you know. You're the best fucking dude I've ever fucking met. You fucking know, you fucking fuck. I mean, like, you know, it's like, you just gotta say something, you know, about it. It's like this, you know. It's like this, you know. It's like this, you know. God damn, I've lost the fucking propos. J'ai perdu le propos. Y'en a marre, on comprend rien. On entrave que dalle à ton émission, Al. Mais va crever, putain de bordel de merde, et vite. Oh bordel, que faire de mes fans, mes si nombreux fans et fanettes. Oh, sûrement les trucider avec un bout de béton, armé jusqu'aux dents. êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Malgré les buzz, on est bien là, vivant comme tant d'autres. Passons. En attendant la mort, il est 23h06, bientôt 7 minutes, ça y est, on y est, sur l'horloge de Canal Sud approximativement. Canal Sud au 40 rue Alfred Duméril, 31 400, Toulouse, France. Une adresse internet également, le Canal Sud, www, donc HTTP devant et tout ça quoi. Que je répète, HTTP 2 points, je crois que c'est 2 slash, 2 anti slash, je sais pas lesquels. Ensuite c'est www.canalsud.net. N-E-T à la fin. Une fréquence hertzienne, le 92.2. 92.2, je répète, c'est la fréquence que vous écoutez actuellement, le 92.2 FM. Un téléphone, le 05 61 53 36 95. Vous êtes les malvenus à l'écoute de Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Salut. Contraste. Eh oui, contraste. Oui, c'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. vous écoutez actuellement un enregistrement, enfin plutôt 8 enregistrements effectués à le lieu commun, dans le studio notamment. Salut le responsable du studio, donc le lieu commun. Le lieu commun, pardon, excusez-moi, je me trompe à chaque fois. Et donc, voilà. Le but étant toujours d'aguerrir à l'adversité. La nomenclature est toujours dorée, dorée au four. La crémation est de ce fait incantatoire, débilitante, débilitesque. La stupidité humaine, la bêtise, c'est ça qu'on veut. De la bêtise partout, dans nuisance. Avec un S à fin, avec un S à la fin entre parenthèses. L'autre jour, il y a un mec qui m'a crevé les abcès, ouais, c'était dégueulasse, ouais, ça purulait. Le mec qui m'a dit merde, chier, il y a des abcès, faut les puruler, dans le cul, ouais, j'ai fait ouais. Ce moment précis que le mec qui m'a dit merde. Mais qu'est-ce qui se passe là? Quelqu'un a piraté l'antenne. Quelqu'un dit des bêtises depuis 2h. 2h et 25 minutes. Des conneries même. Faut le tuer, les tuer tous et toutes, les tuer. Fuck the world, fuck it, yeah, damn, goddamn, shitty fuck, yeah. Yeah. okay now, we're all gonna die. Dieu, je viens de zapper encore une bêtise radiophonique, c'est pour ma gueule, excusez-moi tout le monde. Donc, nous sommes à l'écoute de Canal Sud, et c'était Nuisance, ce fut Nuisance du 20 juillet 2012, avec la présence de certains et d'autres. Donc le 22-07-2012, il est 23h bientôt 30, sur l'horloge de Canal Sud, 40 rue Alfred Duméril. Voilà, je vous laisse avec de la grosse daube. J'espère que vous apprécierez. Non, ça va, c'est pas si gros daubesque que ça. Non, c'est vrai, c'est pas si... Non, c'est vrai, je médis tellement de gens, vous savez, moi, de moi-même en premier. Je suis le premier à médire sur moi. Allez, bon courage. En attendant, désolé. suffering from wear and tear. She lies in waterfalls of dreams, doesn't question what it means. Marlene, she wanders further evermore. The only thing that's left to try, she says, to live I have to die. Sadly, well, I might, and holds herself so very tight. And jumping from an unknown height, she merges with the liquid night. Lovers wrap her mist in furs and tell her what she has is hers. But when they take her by the hand, she slips back in the desert sand. She's mine, but I'll drink solitary wine. Oh, Canal Sud, 92.2 MHz, 40 rue Alfred Duméril, et tout est en say.